Yo, run it. ADL. Hey, gardez quoi. Fais comme ça pour nous, ça pour les boss. Miguel, wind up, c'est la basse. Welcome à Meme de Dos, ou les costauds, non, à la basse. Wind up pour les boss. Cafrin et Kaou, non, à la basse. Donc, direct, ma Nintendo. Pas ni pour casse l'équipe, pas ni pour jouer Nintendo. A soit c'est ou la baisse, ou n'a la fesse, un bimbo. Ou on envoie la patate, moi aussi, moi c'est Kimbo. Ouais, moi touche le bingo. My girl ou les sexy, donc laisse en l'air. On a tout fait, à soit des mains à terre, fais sans lire. Ou les pipous, ça peut m'y tenir là, laisse en l'air. Moi m'y mets toutes les sans l'air. M'y donne un petit coup de main. M'y m'en pas toutes les un bout de main. 4 000 et moi 1000 et tout terrain. M'y donne un petit coup de main. M'y m'en pas toutes les un bout de main. Et allez, goûte mon coup de rein. Fais comme ça pour nous, ça pour les boss. Miguel, why not, c'est la basse. Costo na na na mas, wine top the bus, coffee make a na na na mas, girl wine pon the cock, cock, cock, aswa se ou le boss, boss, boss, girl wine pon the cock, cock, cock, aswa se ou ve nou cock, cock, aswa ou les dedans ou sort pinon, nos corps immondes ou les si ou est ou sans pinon, mon coffee na soit ou les plis fort que sans piment, ou la glace sauce me moins m'imant pas ça sans piment, donc fais bouge la fesse la claque. Fais bouge toute la clique. N'a 7 les grands, 7 les petits, n'a même 7 les flats. Où les tellement en forme que des 6 20 ou n'a 40. Zot manque d'entre eux, tiens, mettez PW40. M'y donne un petit coup de main. M'y m'en pas toute la CB bout de main. 4 000 et moins 1000 et tout terrain. M'y donne un petit coup de main. M'y m'en pas toute la CB bout de main. Et allez, goûte mon coup de main. Comment ça ou gay party? Party. En position, mais si je nous fais party. En position, fais party. Comment ça ou gay party? Party. En position, mais si je nous fais party. Fais trompe ça pour nous, ça pour les boss. Miguel, wine up, c'est la basse. Fais comme moi, même les dos, ou les costauds, nan à la masse. Wine ça pour les boss. Cafouine, mec, à ou nan à la masse. Girl, wine comme des coques. Coques, coques, à soi, c'est où le boss? Boss.